besoin de vous mentir. Tout ce que je dis c'est réel. C'est ton corps qui m'attire. Les rêves ça donne des ailes, je me dois de rester le même. À l'école j'étais le mondaine. Aspecté j'avais mes valeurs, je suis resté fidèle. Jamais manqué à l'appel, c'est ma vie, pourquoi tu t'en mêles? La parole d'un homme, ça n'a pas de valeur. Tu crois que c'est la bonne, elle veut juste ton salaire. La larme sonne, le jour se lève. Ma voix qui résonne, c'est moi la relève. Ah, marrant, t'es pareil, c'est marrant, depuis que je rappe, c'est plus pareil. J'écris des textes, hein, petit à petit, je me rapproche du soleil. Au cas où je m'en sors, portez pas l'œil. Maman, t'inquiète pas, je vais m'envoler. Tu vois, tout ce parcours, je le fais solo. Parti de rien, et c'est Dieu qui m'a donné. Si tu fais des manières, tu vas prendre des balles dans ton corps. Poteau, surveille tes arrières, car tous les traîtres sont dans ta chambre. Me parle pas d'amitié, c'est du passé. Le rap pour moi, c'était juste un passe-temps. Au départ, personne voulait m'écouter. Aujourd'hui, ça me lâche des mois à des champs. Les yeux rouges, j'ai pété sous shit. Du mal à trouver le sommeil. Aujourd'hui, tout le monde veut son fit. J'arrête pas de les étonner. On fait du sale, on fait de la maille. Ça prend des risques pour la monnaie. Mais qui tient debout quand ça rafale. J'espère que Dieu va nous pardonner. Tous les jours, j'essaye d'être meilleur que la veille. Et pour me vider la tête, j'ai dû vider la taille. Les sentiments sont morts, pas besoin de vos conseils. Tu sais, malgré mes torts, je suis resté le même et toujours fidèle. J'ai fait des sous, j'ai perdu des amis. J'ai mes raisons et je m'en fous de ton avis. On n'est pas des cons, on touche pas la farine. Je veux faire le bien, mais la rue me fascine. J'ai perdu du temps, j'ai perdu des années à faire du sale, à bicrave des barrettes. On n'est pas méchants, mais on peut vite démarrer. Je suis tout devant, y'a personne qui m'arrête. Me parle pas des histoires, là je suis pété. Faut rester poisson, c'est chacun son tour. À 180 dans la GTD. Dans quelques années tu me verras partout. Me parle pas des histoires, là je suis pété. Faut rester poisson, c'est chacun son tour. 180 dollars GTD, dans quelques années tu me verras partout.